yeux s'effichaient. Rester caché parmi les hommes pour faire la nouvelle, nous sauver de la corruption. Il garde pour lui l'explication parmi les plans qu'il a conçus. Il fait son œuvre pas à pas. Ses paroles grandissent jour après jour. Console, rappel, reproche, met en garde de tous ses bornes. À féroce et majestueuse, sa parole nous inculque la compassion et la peur. Tout ce qu'il dit révèle nos plus profonds secrets. Sa parole nous transperce et nous nous sentons honteux. Il y a d'infinies réserves de son eau vive, et grâce à lui, nous vivons avec Dieu. Attirés par sa parole, nous écoutons le ton et la voix du cœur de cette personne ordinaire. Il fait tout effort, verse le sang de son cœur. C'est pour nous qu'il soupire, pleure de douleur, endure la honte pour notre destin. Cœur saigne et pleure pour notre rébellion. Nul ne peut égaler son être et possession. Nul ne peut égaler sa tolérance. Nulle création n'aurait jamais l'amour et la patience qu'il a. Thank you.